Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, de la musique pour vous faire ramollir le cerveau. Vous allez probablement aussi vous tirer dans les murs. Vous allez voir une sélection vraiment éclectique, de musique électronique vraiment étrange ce soir. On va débuter avec un artiste qui est publié sur l'étiquette russe Mix Galaxy Records. C'est Arak Maki avec la pièce WF94852. Ensuite de ça, sur l'étiquette complètement débile Vatican Records, une étiquette française que j'adore, vraiment plein d'albums, vraiment pété. Allez faire un tour sur Vatican Records, des trucs vraiment drôles. Donc on va entendre sur cette étiquette-là, c'est Triplanetary avec la pièce Sex. Comme à l'habitude, je vous rappelle que chaque pièce entendue à l'émission, c'est possible de les télécharger de façon gratuite, gratuite et légale. C'est important de le mentionner. Donc, rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir consulter la playlist et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On débute avec Arak Maki. Donc, c'était Triplanetary avec sa pièce Sex. C'est sur l'étiquette Vatican Records, une étiquette française merveilleuse. Avant ça, de la ville de Riga en Lettonie, c'était Aramaki avec la pièce WF94852. C'était sur l'étiquette russe Mix Galaxy Records. On va se déplacer du côté de la France avec le Perche-Oreille. Je vous fais entendre sa pièce, excusez-moi, Hey Pomega. Vous allez voir, vraiment excellent. C'est sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Ça va sortir le 8 mai, donc vous l'entendez ici à Web Music, donc en primeur. Ensuite de ça, après le Perche-Oreille, c'est Grids, un artiste de la ville de Détroit. Je vous fais entendre sa pièce Better Than I've Ever. Donc, on va entendre tout de suite le Perche-Oreille à Web Music. Thank you. Wanna go to heaven anyway. Than I ever been. Classic. Thank you. forget your smile. The way we cling when we danced a while. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste de la ville de Detroit. C'est Grizz avec Better Than I've Ever Been. Avant ça, c'était de la France, le Perche-Oreille avec Expo Mega. C'était publié sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Plus tôt, ça va être publié. Donc, l'album sort le 8 mai. Un album vraiment excellent qui s'en vient du Perche-Oreille. J'ai bien hâte d'entendre la suite. On va cette fois-ci se diriger encore une fois du côté de Detroit aux États-Unis. C'est Blue Staley. Je vous fais entendre sa pièce Atom Smasher. C'est sur l'étiquette Fixed. Ensuite de ça, sur Tech Nick. Nick comme Nick ta mère. C'est un artiste de l'Italie, La Tepa. Je vous fais entendre sa pièce Good Morning. Ça va être tout de suite après Blue Staley qu'on écoute tout de suite. We'll be right back.

Yo, une gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. J'suis pas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René l'a rangé. Tu ne croises dans l'aile, on est arrangé. Tout ce produit, produit d'un ferme. On garde ça sale, on investit d'un germe. Une gang de chummy qui bouge en buddy. Mandat Ken, never Bud Light, no Cray or Muddy. C'est l'objet NRV quand t'as loupé. Raisin pour les invités de nos bars. Tosse, le ressort de ça, le ressort. De body qui ressort ce corps, de ressort effort. Gang de buddy, t'inquiète, on est up et ben fresh. Ça c'est pas des quintettes, produit fuck it. Ben red, porte un studded bracelet, fucking volley d'un debt. M'en va fouetter ton gel et comme un gorille d'inglès. Sans pète, pète d'un spec, sans bouger des insectes. Instinct de brasser, divisé par le carré. Bon pour la cause, vrai boss, fait vraie chose. Cette merde de rap, je m'en la mettre sur pause. Gang de buddy, flash sur le Roberto Money Bank. J'suis pas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René le rangé. Tu ne croises dans l'aile, on est arrangé. Gang de buddy, flash sur le Roberto Money Bank. J'suis pas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René le rangé. Tu ne croises dans l'aile. Don't fuck with Jean-Claude Van Damme. L'argent du white est le premier, sans faute sa table. Partage avec la gang des chums. C'est comme ça quand tu fais le bum avec des bonnes personnes. Ça fait des bums quand on la split tout. Ça donne chacun son petit bout de pomme. It's all good, son. Combat, merde, explosion. Lyrical, digital, produit le dimanche. Tout pack. Claude, Claude, péché, péché, Claude, péché, pichard. Claude, Van Damme dans un ring avec une grille. Damn, qui c'est qui va gagner? J'mets mon cash sur Claude parce que c'est mon chou. Rose, mais pas con, pas de rap. Engagé, mais tu peux nous engager pour faire du rap. On peut parler business. Ministère des Finances, on t'en passe une petite vip. Ben organisé, la gang de chum qui vient du set. Ben red, bec sucré, on va get le cream. Pas juste le bread, mais en gang, non, ça. Ok, ok. Des fois je sais pas si je me fais moi-même. Comme un sandwich vivant, je me grill moi-même. I regarde dans le miroir pour que je me chill moi-même. Je me check dans le voir pour me feel moi-même. Un ass feel avant que comme ça pile de même. Faut que tu chill walk, ça n'aura rien à cuire de même. Une bitch qui me pimp comme un vilbrequin. Better not get it twisted, she's still the same. Mar. Une gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. J'suis pas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René le rangé. Tu ne croises dans l'aile, on est arrangé. Gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. J'suis pas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René le rangé. Tu ne croises dans l'aile, on est arrangé. Une pièce des Babouins du Bas-Canada, donc à la claire ensemble, c'était la pièce Jean-Claude Van Damme. C'est tiré de leur album Les Maigres Blancs d'Amérique du Nord. Donc, je vous invite à aller télécharger l'album. Vraiment excellent. Ça a été vraiment difficile de choisir une pièce pour l'émission ce soir. Avant ça, c'était Sound Divisor avec la pièce Teufelsberg. C'était publié sur l'étiquette Phantom Tone, une étiquette allemande. On va poursuivre cette fois-ci avec un artiste de l'Australie, de la région des Blue Mountains, pas très loin de Sydney. C'est Option Command qui, donc avec sa pièce 3000 Clones, c'est sur l'étiquette King Deluxe. C'est tiré de la compilation King Deluxe Present Year 2. Vraiment une excellente compilation, l'étiquette King Deluxe qui nous vient de la ville de Vancouver, je crois. En tout cas, ça, c'est sûr qu'ils sont de la Colombie-Britannique. Allez voir King Deluxe, plein de trucs vraiment intéressants. Ensuite de ça, de la ville de Kiev en Ukraine, c'est Bad Gibbons avec la pièce Mython. C'est sur l'étiquette Subwise. Ça aussi, vraiment excellent. Donc, on écoute tout de suite Option Common à Web Music. I'm We'll be right back. C'était Bad Gibbons avec sa pièce Methone. C'était un artiste de la ville de Kiev en Ukraine, publié sur l'étiquette russe Subwise. Excellente étiquette, plein d'albums en téléchargement gratuit sur Subwise. Allez les visiter, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, de l'Australie, c'était Option Common avec la pièce 3000 Clones. C'était sur l'étiquette canadienne King Deluxe. On va poursuivre avec un peu de dubstep vraiment brutal. C'est Dead Skin, un artiste de la ville de Hawkesbury en Ontario. Je vous fais entendre la pièce They'll Be Dead Tonight. Vous allez voir, vraiment ultra brutal. Destruction. Ça fait toujours du bien un peu de dubstep brutal. C'était de Dead Skin, un artiste de la ville de Hawkesbury en Ontario. C'était sa pièce They'll Be Dead Tonight, publiée sur l'étiquette Dead Knife Records. Ça va déjà être tout pour Web Music. Avant de se quitter, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir consulter donc la playlist de l'émission et vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous allez pouvoir les télécharger gratuitement et légalement. On va se quitter sur un artiste du Portugal, c'est Electronic avec la pièce Libérer le monde, une pièce donc en lien avec le printemps arabe. On va se quitter là-dessus, puis je vous invite à rester à l'antenne. C'est l'émission La Croche-Oreille qui s'en vient avec Jean-Pierre Gay et Ariane Plante. Cette semaine, l'invité est Éric Dorion, donc restez à l'écoute de CKRL, une bonne émission qui s'en vient tout de suite après Web Music. On se quitte sur Electronic, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Music.